Michel Peyramore ou la passion d'écrire. Ton écrivain et est-on écrivain pour la vie? On est écrivain et on le reste pour la vie, si on l'est vraiment et si les circonstances, et la chance, nous favorisent. C'est mon cas. Comment vous est venue l'envie d'écrire? Et votre passion pour l'histoire? Tout naturellement, en écrivant d'abord des poèmes, vers 9-10 ans, puis des contes et des romans. J'ai écrit beaucoup mais tout n'a pas été publié car tout n'était pas publié. Est-ce qu'écrire est un métier? Écrire est un métier quand on est journaliste et je le fus. Ce n'est pas un métier quand on écrit des romans, parce que dans cette activité rien n'est jamais sûr. Si oui, est-ce que c'est un métier qui s'apprend? On peut apprendre à écrire, mais il faut surtout apprendre à penser et à mettre ses pensées en forme. Il faut aussi une bonne part d'imagination. Combien de livres avez-vous écrit? Et de livres pour enfants? Une cinquantaine dont cinq pour la jeunesse. La vallée des mammouths est le plus lu avec la caverne magique. Enfant, quel était votre rêve? S'est-il réalisé? J'aurais aimé être dessinateur caricaturiste, musicien, poète. Et je suis devenu journaliste et romancier. Je ne m'en plains pas, ce sont deux activités passionnantes.